franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe et Margaret de Beaulieu. Alors aujourd'hui, nous en sommes désolés, hein, parce que nous ne sommes pas là évidemment pour nous épancher sur nos soucis personnels. Et nous allons utiliser la tribune que nous offre cette émission pour lancer un appel. Marga, c'est à toi. Oui, Marie-Pierre, ma chérie, si tu nous entends, contacte-nous au plus vite. Nous n'avons plus de nouvelles de toi depuis plus de 48 heures et papa et maman sont très inquiets. Voilà, alors sans transition, nous partons à Verdun avec Ludmilla. Oui, Verdun qui n'est pas que le titre du 7e album de Michel Sardou. J'ai pas appuyé sur le champignon, mais j'ai gagné quand même. Oui, bah, c'est un collab sur Michel. Ah, oui. Verdun donc qui vit se dérouler sur son sol cette terrible bataille, encore très présente dans la mémoire collective. La tentative surprise des Huguenots de s'emparer de la ville et de sa région en 1562. Ouf, rétrospectivement, ça fait peur. Bonjour Ludmilla, la mystérieuse. Bonjour Margaret, bonjour Philippe. Docteur. Pourquoi mystérieuse? Ah bah parce que Ludmilla, la Russie, Ludmilla, les tsars, Ludmilla, oh là là. Bonjour Ludmilla, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de vous entendre sur notre belle émission de France Inter? En fait, j'appelle parce que je me suis sectionné le bout du doigt. Mm-hmm. Volontairement? Ben non. D'accord, non, sinon je vous aurais plutôt renvoyé sur Margaret. Non, non, c'est un petit accident du travail, on me l'a recousu et j'ai pas de sensation au bout du doigt depuis. Mmh. On m'a dit que c'était normal, mais j'aimerais bien savoir combien de temps ça peut prendre parce que dans mon métier, le toucher, c'est vraiment quelque chose de très important. Mmh. D'accord, vous êtes masseuse, un métier de confort en tout cas, proctologue peut-être? Non, non, je suis plasticienne. D'accord, alors attention, belle Ludmilla, aux émanations de caoutchouc, de plastique et autres PVC, VPC, PCV, enfin tout ce qui est à base de pétrole. Voilà. Non, non, je ne travaille pas du tout le plastique. Ah, vous êtes dans les bureaux. Alors attention au harcèlement au travail, il y en a beaucoup. Dans les bureaux de quoi? De votre usine de plastique. Non, je suis plasticienne, artiste contemporaine, quoi. Quoi? Quoi? Oui, artiste contemporaine, voilà, ça n'a rien à voir avec une quelconque industrie des matières plastiques, hein. Ne confondez pas Ludmilla. Alors vous ne travaillez pas le plastique du tout, donc hein, c'est bizarre pour une plasticienne. Non, plasticienne, ça vient de la plastique, pas du plastique. Oui, en attendant, on dit le plastique. Bon, bref, je suis artiste, je fais des sculptures. Ah, vous êtes sculpteuse! On adore, nous, la sculpture. Ah, oui, d'ailleurs, on a dans l'entrée le buste d'un de nos aïeux. Bon, c'est un plâtre, hein, mais c'est très joli quand même. Vous faites des bustes? On peut commander des bustes chez vous? Oh là là, non, je ne suis pas du tout ce genre de choses. Je ne fais pas dans le figuratif. C'est conceptuel, mon travail. C'est-à-dire, ça ressemble à rien? Si, mais c'est abstrait. C'est des formes libres. Ah oui, comme un peu ce qu'on voit sur les ronds-points. Oui, ça peut arriver. Enfin, j'ai fait deux ou trois projets pour des villes déjà. Moi, j'adore Rodin. Ah, c'est tellement fort, c'est le penseur. On a vraiment la sensation qu'il pense, alors qu'à la base, c'est que de la pierre. Hein. Oui. Enfin, moi, je suis plus sensible à l'œuvre de Camille Claudel. Oui, mais elle était complètement tarée. Et là, c'est la psychothérapeute, hein, qui vous parle. Enfin, on peut être fou et avoir du génie. Oui, mais enfin, quand on s'extasie sur le travail de certains demeurés, enfin, d'enfants en difficulté, ou d'enfants tout court d'ailleurs, ça me laisse pantoise. C'est mignon, parce que ça vient d'eux, mais je vais pas accrocher le bonhomme bâton avec un soleil trop gros à côté d'un peintre de l'école flamande, quoi. Voilà. Oui, une œuvre, c'est ce qu'elle provoque comme sensation, c'est subjectif. Il n'y a pas une valeur universelle de la beauté. Et parfois, ce qu'on peut trouver au premier abord rébarbatif peut devenir intéressant, si peu qu'on s'intéresse à la démarche de l'artiste. Oui, Enfin, pour moi, si un artiste est obligé d'expliquer ce qu'il a voulu faire, c'est que c'est raté. Hein. Et puis alors, l'art contemporain, c'est un peu que ça. Et puis alors, moins on comprend, plus c'est cher. Et puis alors, franchement, on voit des trucs, un enfant de 10 ans, il ferait mieux. Un beau Rubens, pas besoin d'expliquer, tout le monde trouve ça beau. Ah non, pas tout le monde. Ils ont fait une expérience en apportant divers tableaux et œuvres dans un coin reculé d'Afrique. Et les villageois se sont tordus de rire quand on a montré le portrait d'une femme plantureuse du 18e. Oh bah oui, mais madame, ils rient pour un rien là-bas, ils sont très moqueurs. Hein. C'est très raciste ce que vous dites. Ah bon, et c'est pas raciste, madame, de faire des expériences sur des pauvres noirs? C'est pour montrer qu'un contexte culturel peut modifier la perception qu'on a d'une œuvre. Vous avez raison, madame. Ça doit être pour ça que des tableaux tout bleus ou tout rouges sont vendus des millions juste parce que c'est à la mode. On a le contexte culturel qu'on mérite, visiblement. Oui, c'est comme Soulage. Il y en a qui adorent, d'autres qui détestent. Personne n'a raison, personne n'a tort. C'est comme ça. Soulage... Ah oui, c'est ce monsieur qui fait des grands tableaux tout noirs, oui. En tout cas. Ça soulage pas celui qui regarde. Non, mais par contre, ça soulage celui qui l'achète de quelques millions d'euros. De toute façon, plus c'est bizarre, plus les gens trouvent ça génial. Alors, Picasso, il faisait de très beaux portraits figuratifs au début, puis alors il a commencé à partir dans des délires, et il est devenu milliardaire. C'est le marché de l'art, enfin. Un artiste ne contrôle pas la spéculation des collectionneurs. Et vous, madame, vous vendez ce que vous faites? C'est quoi? Des compressions, des trucs... Des assemblages multimatières. J'utilise aussi la vidéo. Ah oui, oui, c'est genre Beaubourg, quoi. Oui. Alors, remarquez, ce qui est bien quand on regarde Beaubourg, c'est que quand on est à l'intérieur, on peut pas dire qu'on n'était pas prévenu. Tous les tuyaux, là. Peut-être que vous auriez besoin d'une petite initiation à l'art contemporain. Alors, pour mon doigt, ça peut mettre combien de temps, docteur? Allô? Oui, ben peut-être que vous auriez besoin d'une petite initiation à la médecine. Pourquoi vous êtes agressif comme ça? Faut vous détendre. Premièrement, madame, nous ne sommes pas agressifs. Et deuxièmement, pardonnez-nous de ne pas nous extasier devant deux pare-chocs rouillés soudés entre eux sur une télé qui diffuse en boucle des images de chats morts. Qui fait ça? Bah vous, non? Non. Bah des gens comme vous. Bon, madame, c'est bien gentil tout ça, mais nous sommes une émission médicale et là, ça fait 7 minutes qu'on parle de votre art. Donc, on raccroche là. Voilà, madame. Merci en tout cas. Et alors, une petite citation anonyme, comme souvent quand elles sont pleines de bon sens. Pourquoi construire des déchetteries quand les musées d'art contemporain font l'affaire? Voilà, alors juste Marie-Pierre, s'il te plaît, si tu entends, appelle. Voilà, merci Yann Chouquet, merci à vous, merci pour vos messages de soutien. Merci, au revoir. À votre écoute, coûte que coûte. À retrouver en balado-diffusion sur franceinter.fr. Dans un instant, Philippe Bertrand, carnet de campagne.